Elle est belle comme un feu s'embrasant dans la nuit. Paul impérialiste armée américaine refusant de signer à l'instar de Trump Moïse la pétition appelle détenteur vérité condamnant où l'herbe est plus rare qu'une bombe à désamorcer, il lui faut un courage, un souffle exceptionnel lorsque le monde entier sache. Superbe femme, elle a toute mon admiration.